Je voudrais bien être ton sac. Tu aurais toujours peur de me perdre. Je voudrais bien être ton calepin. Tu me donnerais des rendez-vous. Je voudrais bien être ta robe, celle que tu préfères aux autres. Je voudrais bien être tes souliers. J'irai partout où tu irais. Je voudrais bien être ton collier. Je serai pendu à ton cou. Je voudrais bien être ton visage. Tu me regarderais avec amour. Je voudrais bien être le soleil. Tu m'offrirais ton corps. Je voudrais bien être ton chien. Tu me couvrirais de caresses. Je voudrais bien être ton cœur. Alors je battrai pour moi. Je voudrais bien être ton amant, car tu sortirais avec moi. Mais je ne suis rien que moi, et tu ne me vois pas. Mais je ne suis rien pour toi. Je ne suis que ton mari.